Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Une seule mission. Tenter de vous détendre les zygomatiques en relisant un thème de l'actualité, mais à notre sauce, tout en décalé, à la sauce Inter. Le temps imparti est écoulé. Merci Philippe Collin. Eh oh, juste une chose. La panique au Mangin Palace, c'est tous les dimanches matins à 11h sur France Inter. Alors ça tombe très très bien parce qu'il est 11h05 et vous retrouvez Panique au Mangin Palace, Philippe Collin. Voilà, c'est incroyable. Merci c'est beaucoup. Beau la radio. Jacqueline Petrosan vous retrouve à midi. C'est parti. Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 11. Tu l'ignores peut-être, mais nous t'embarquons maintenant dans un voyage étrange au cœur d'un monde intergalactique et foutraque. Bienvenue à bord de ce vaisseau spatio-temporel. La machine est prête et le cadran interstellaire nous indique dimanche 20 novembre 2005, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es standardiste, tu es boîte vocale, tu es bigophone, tu es friture sur la ligne, tu es veuillez l'impacter, nous recherchons votre correspondant. Et tu es aussi... Oui, tu l'auras compris l'ami, ce matin, tu es téléphone. Il y a quelques jours, la France a libéralisé son marché de renseignements téléphoniques. Du coup, le 12, numéro symbolique des renseignements, va disparaître au profit notamment de boîtes privées. Depuis 10 ans, avec l'explosion du téléphone portable, les pratiques liées au téléphone ont connu de profonds bouleversements. Aujourd'hui, tout le monde passe une bonne partie de sa vie avec un appareil greffé à l'oreille. Alors, à l'heure où le portable triomphe, c'est quoi exactement le téléphone? Eh bien, du téléphone rouge au téléphone rose, des cabines à pièces aux sonneries portables, des pages jaunes aux écoutes téléphoniques, de Graham Bell à Jackie Berroyer, nous allons, dans l'heure qui vient, te raconter une histoire illustrée, mais décalée, celle de ton téléphone. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques et les actus de la semaine. On est dimanche matin, on est bien, et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et déhanche-toi. City breaking and everybody shaking, but we're staying alive, staying alive. I, Staying Alive, les Bee Gees qui offrent en 77 une BO mythique au film Saturday Night Fever. Staying Alive, rester en vie parce que quand la vie ne tient plus qu'à un fil, tu peux toujours donner un coup de fil à SOS Détresse Amitié. Le téléphone, un outil magique de communication. Remarque, l'homme a toujours voulu communiquer à distance. Les Indiens d'Amérique avaient les signaux de fumée. La France, au début du 19e siècle, avait le télégraphe de Chappe, puis le télégraphe électrique inventé par Morse en 1844. Mais tous ces systèmes nécessitent que l'émetteur et le récepteur maîtrisent le même code. Utiliser un code pour transmettre des messages, c'est pas mal, mais compliqué. L'idéal de la communication à distance, c'est bien entendu la transmission de la voix. Dans l'idée, c'est assez facile. On a tous fait l'expérience de relier deux pots de yaourt avec une ficelle. Tu parles dans un pot et ton cobaye, à l'autre bout, entend ce que tu dis. Ça amuse les mômes, c'est délire. Le véritable téléphone est inventé en 1876 par Alexander Graham Bell, qui réussit, grâce au courant électrique, à transmettre sur la distance les vibrations produites par la voix. « Monsieur Watson, venez ici, j'ai besoin de vous !» furent les premiers mots prononcés au téléphone. Il était content, Monsieur Bell, en 1876. « je suis content, ça marche !» Le téléphone va connaître un développement exceptionnel. Inventé en 1876, la première ligne commerciale est mise en place aux States l'année suivante. L'appareil arrive en France dès le mois d'août 1877. Succès fulgurant. Une société privée, la Société Générale des Téléphones, est chargée de développer l'engin. Dans un premier temps, le téléphone est un appareil urbain réservé à une élite. Les premiers réseaux téléphoniques sont mis en place dans les grandes villes, autour de centraux chargés de mettre en relation les abonnés. L'opératrice devient un personnage à part entière de la vie moderne au début du XXe siècle. L'opératrice qui doit parfois être rappelée à l'ordre. Allô ? Allô les réclamations ? Allô madame, voilà au moins une demi-heure que je demande pas si 14:33. Non madame, on ne le sonne même pas. Voulez-vous le faire sonner s'il vous plaît ? L'État nationalise les compagnies en 1889. Le téléphone se développe et se démocratise. Réservé dans un premier temps à un usage professionnel et à une élite, l'appareil téléphonique entre peu à peu dans le quotidien des Français. Et c'est merveilleux. Le téléphone est merveilleux quand on fredonne un air à deux. On fait tout bas de bien beaux songes. Et l'on se dit des doux mensonges. Le téléphone, c'est amusant. On s'abandonne aimablement. Le téléphone, vous m'écoutez? Allô? Allô? Zut, c'est coupé. Eh oui, la technique n'est pas tout de suite totalement au point et il n'est pas rare que les communications soient coupées. Le développement du téléphone ne signifie pourtant pas la fin des autres formes de communication à distance. Lettres, petits bleus et télégrammes font encore partie de la vie quotidienne. Mais la nouvelle technique bouleverse les habitudes. Fini le télégramme utilisant le morse. Le télégramme devient téléphonique et là encore, l'opératrice est un personnage inévitable. Mademoiselle, je voudrais passer un télégramme, s'il vous plaît. Pour la France ? Oui, pour la France. Quel numéro est-il ? Odéon 2745. Mademoiselle Colette Mercier. Colette Mercier, Oui. Le téléphone entre donc dans les domiciles. L'appareil en bois est remplacé par des téléphones en matériaux modernes et entre dans le patrimoine français. Souviens-toi de tes heures passées en compagnie du bon gros poste gris sinistre avec le cadran à buter où tu devais glisser les doigts. Ce n'est pas si vieux. Le téléphone s'inscrit également dans le paysage urbain avec la cabine téléphonique. Je suis dans la cabine, enfermée dans la cage de verre. Et toi, je t'imagine dans un bar qui s'ouvre sur la mer. Allô, allô, tu m'entends? Comment vont Laurent, Jean-Luc et Joël? Dis-moi, tes amis vont-ils toujours près des îles pêcher les girelles? Ça nous fait deux unités. Chaque mot nous est compté. La cabine téléphonique. Les télécoms en France ont entretenu pendant des dizaines d'années de superbes cabines en verre, persuadées que les gens voulaient être isolés pour converser au téléphone. C'est marrant, mais avec le développement des portables et avec du recul, tu remarques que les gens s'en contrefoutent que tu puisses entendre ce qu'ils disent. Merci France Télécom d'avoir pu permettre à nos hommes d'ajouter au bruit de la ville et des klaxons la douce sonnerie du téléphone. Merci France Télécom d'avoir pu permettre à nos hommes d'ajouter au bruit de la ville et des klaxons la douce sonnerie du téléphone. Oui, en quelques dizaines d'années, le téléphone a su conquérir le monde et devenir un outil indispensable de la vie privée et professionnelle. Le téléphone est également devenu un enjeu de pouvoir. Pouvoir écouter une conversation téléphonique, c'est comme regarder par le trou de la serrure. Ce n'est pas bien, mais on apprend plein de choses. Les écoutes téléphoniques auraient été d'usage courant si des personnes intègres et à l'éthique irréprochable n'avaient demandé des comptes au gouvernement. Écoute ce flash inter de 1975. Question d'actualité cet après-midi à l'Assemblée nationale. L'une d'entre elles a provoqué une passe d'armes entre François Mitterrand et Michel Poniatowski. Le numéro 1 socialiste a demandé au ministre de l'Intérieur de lui donner des précisions sur les écoutes téléphoniques en France. Je vous demande de bien vouloir nous informer sur l'activité du centre d'écoute de Boulay-les-Trous, au nom particulier, dans le département de l'Essonne. Ce centre d'écoute a été créé par votre prédécesseur, poursuivi par vous-même, sous la rubrique d'écoute radio, en particulier pour les pays de l'Est. Et voici qu'un certain nombre d'équipements sont aujourd'hui installés, qui permettent de surveiller 2000 lignes téléphoniques à la fois et de connaître le numéro d'appelant, l'établissement d'un câble entre ce centre de Boulay et Paris. François Mitterrand qui demande des explications sur la mise en place d'écoutes téléphoniques. C'est sans doute pour avoir des informations pour plus tard, pour savoir comment on fait. Nouveau flash inter 20 ans plus tard, en 95 cette fois. 5 petites disquettes et un gros scandale. Le quotidien Le Monde révèle que le juge Valle est en possession des preuves informatiques selon lesquelles la cellule élyséenne aurait mis sur écoute illégale nombre de personnalités jugées gênantes par le pouvoir entre 83 et 86. Le téléphone sur écoute en politique est un grand classique assez mal vu. Certains en ont fait les frais, comme Nixon lors du Watergate ou comme pas grand monde en France. Le téléphone peut donc créer des tensions dans la vie politique, mais peut aussi calmer le jeu international. En pleine guerre froide, après la crise de Cuba entre les États-Unis et l'URSS, fut mis en place en 1963 un petit appareil chargé d'éviter la destruction du monde. À Genève, Américains et Soviétiques se sont finalement mis d'accord, Jean-Pierre Lecabage, sur les détails techniques de la ligne rouge. Oui, ligne de téléscripteur permanente qui va relier Moscou et Washington. Le téléphone rouge, ça faisait plus spectaculaire, mais finalement, c'est un téléscripteur. Il faut rester à ce téléscripteur rouge, si vous voulez. Cette ligne sera utilisée en cas d'urgence afin d'éviter le déclenchement d'une guerre accidentelle. À chaque extrémité se trouvera un télétype extrêmement complexe, bien sûr, livrant presque simultanément le texte chiffré et sa traduction. M. Kennedy et M. Khrouchtchev définiront chaque point terminal en fonction des facilités d'utilisation. Le téléphone rouge a permis aux dirigeants soviétiques et américains de communiquer. Un téléphone, en fait un téléx, pour éviter une guerre, c'est pas mal. La seule condition pour que ça marche, c'est de ne pas demander Brigitte, car il n'y a pas de Brigitte ici. Babylone 21-29, je voudrais parler à Brigitte. Il n'y a pas de Brigitte ici, monsieur. Babylone 21-29, vous voulez me passer Brigitte, hein? Il n'y a pas de Brigitte ici, monsieur. C'est Rodolphe, je voudrais seulement parler à Brigitte. Mais il n'y a pas de Brigitte ici, monsieur. C'est le grand Georges, vous pouvez me passer Brigitte. Il n'y a pas plus de Brigitte que de... Dites-moi, est-ce que je pourrais causer à Brigitte? Mais il n'y a pas de Brigitte ici, monsieur! give me Brigitte? Brigitte, elle est morte! Y a pas de commission pour moi. Allô Brigitte, Babylone 21-29. Chanson écrite par Norman Maine en 1964. À l'époque, sans téléphone portable, chercher à joindre Brigitte, c'était l'enfer. Surtout quand tu avais Jean-Yann au bout du fil. Alors pour continuer notre exploration du téléphone, après t'avoir raconté son histoire, il est temps maintenant de se demander à quoi te sert un téléphone aujourd'hui. Depuis peu, avec un téléphone, tu peux prendre des photos, tu peux jouer à Tetris, tu peux consulter la météo, mais tout cela ne sont que des fonctions matérielles annexes. Avant tout, le téléphone demeure un outil de communication entre deux êtres humains. Il arrive même parfois que le téléphone soit envisagé comme un vecteur de lien social pour éviter que certains ne sombrent dans la solitude. Laissez-moi me rattraper, Thérèse. Allô, détresse amitié, joyeux Noël. Allô? Oui, joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël, je vous appelle parce que c'est mon dernier Noël. C'est cela, oui. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. C'est cela, oui. Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme. Eh bien, monsieur, c'est une très belle preuve de courage que vous nous donnez là. Et je vous passe ma collaboratrice. Joyeux Noël, monsieur. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce. Je te mets, Thérèse, je ça, te mets. Ça nous intéresse pas. Arrêtez ça. Arrêtez, ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse plus. Je parle pas en pénère, passe-moi la gouille. Ça ne m'intéresse pas, arrêtez ça, c'est un vicieux. Il va encore nous bloquer la ligne toute la soirée, là, ça ne m'intéresse pas. Alors là, écoutez, Pierre, vous qui souhaitez de l'animation, hein, de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. Ah oui, standardiste à SOS Amitié, c'est un métier. Il faut avoir de la patience et de l'abnégation. Et même s'il y a parfois des clients un peu détraqués, il faut toujours penser à ceux qui ont véritablement l'âme en peine et pour qui la chaleur d'une voix humaine à l'autre bout du fil peut être salvatrice. Si on devait remplacer ces confidents par des opérateurs électroniques, ça deviendrait vite n'importe nawak. Vous avez appelé le bureau du bonheur, ne quittez pas. Allô, allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi, dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur, car je sors à l'instant du ministère des pleurs. Dites-moi, ne quittez pas, bureau du bonheur, où il est? Nous recherchons votre petit cœur. Dites-moi, toutes les données dans l'ordinateur, s'il vous plaît, sont programmées. Cela dit, il y a certains usagers du téléphone qui préfèrent 1000 fois une opératrice préenregistrée. C'est parfois plus pratique, ça va plus vite, tu peux l'insulter et y trouver du plaisir. Faisons les présentations. Moi, c'est Natacha, et toi, comment t'appelles-tu? Dis-moi ton prénom après le bip sonore. Ton tour va bientôt arriver. En attendant, tu vas pouvoir te rincer les oreilles en écoutant ma copine qui s'envoie en l'air en direct avec un autre mec. Dans quelques secondes, ce sera ton tour. Ne quitte pas et commence à te mettre en forme. À tout de suite. C'est donc ce qu'on appelle le téléphone rose, qu'on pourrait aussi définir comme le téléphone du A. Eh oui, Ulla, Belinda, Tatiana ou Gertruda sont toujours tes interlocutrices. Mais bon, avant d'utiliser son téléphone comme un vecteur de consommation sexuelle un peu frustrante, il faut tenter sa chance dans la vraie vie, c'est tout de même beaucoup plus agréable. Et un téléphone peut également servir à prendre des rencarts dans l'espoir réel de conclure, va savoir. Et puis, si tu n'es pas très sûr de toi, prends une fille qui a déjà un prénom d'opératrice de téléphone rose. Allô Elisa, tu fais quoi ce soir? Allô Elisa, est-ce que tu peux me voir? Cela dit, ce n'est pas simple comme un coup de fil. Elisa pourrait ne jamais rappeler. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut parcourir la nuit, tendre son numéro de téléphone aux donzelles qu'on aimerait séduire et rester décontracté. Si vous êtes comme ça, il faut faire attention, parce qu'un téléphone peut également constituer une pièce à charge dans des situations difficiles. Le texto d'une maîtresse ou d'un amant non effacé, par exemple, peut provoquer, s'il est découvert, des dommages colossaux. Oui, Un téléphone peut aussi servir de mouchard. Un téléphone, ça fait des comptes rendus, ça espionne un téléphone. Allô, oui ? Allô, Ida ? Salut, Antoine. Bonjour, c'est Antoine, là, sur l'affaire Cendrillon. Alors, monsieur Tabar est surnommé le dinosaure par son personnel. Ah, j'ai fait la connaissance de madame Tabar. Elle a une voix enchanteresse et parle l'anglais avec une pureté admirable. Donnez-moi son signalement. C'est une femme superbe. Avec un air très vague et très doux. Le nez est un peu relevé, mais droit et spirituel. Sa taille ? Ah là, la taille est lancée. Non, je vous demande combien elle mesure. Oh, 1m66, sans talons. La forme du visage ? C'est un ovale très pur. Enfin, un ovale un peu triangulaire, mais le teint est lumineux et comme éclairé de l'intérieur. Tiens, Antoine, ce qu'on vous demande, c'est un rapport, pas une déclaration d'amour. Bonne nuit. Il arrive aussi que le téléphone puisse servir au canular. Un grand classique, Zidane qui met sa main sur le cœur, par exemple. Mais quand le téléphone sonne la nuit, c'est toujours inquiétant. On ne sait jamais s'il s'agit d'une farce un peu douteuse. Alors, il faut toujours faire attention aux inconnus qui appellent chez toi la nuit. Oui. C'est une plaisanterie ou quoi ? Disons plutôt un jeu. Oui, c'est ça, un jeu. Prête à relever le défi ? Tu me vois ? Je vous préviens, je trouve pas ça drôle du tout. Si vous continuez, j'appelle la police. Ils arriveraient trop tard. Voilà ce que c'est que d'habiter un coin paumé. Qu'est-ce que vous me voulez ? Voir la couleur de tes tripes. Le téléphone la nuit, ça fout toujours la trouille. Mais bon, heureusement, un téléphone peut aussi servir à tranquilliser l'esprit. Parfois, l'inquiétude grandissante des parents face à un adolescent qui n'est pas rentré chez lui peut s'estomper en un instant un simple coup de bigot pour dire que tout va bien. Ou encore, la propriétaire d'un immeuble insalubre à Paris qui se ferait du mouron de se faire choper par les services sociaux peut se voir rassurée très vite au téléphone. Allô ? Allô, allô, James, quelle nouvelle ? Absente depuis 15 jours, au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour ? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. A contrario, quand toi tu appelles les services sociaux, quand tu meurs de froid comme cette nuit, la réponse pour les SDF n'est pas très rassurante. Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel. Eh oui, quand le téléphone déconne pour les sans-abri, c'est tout de suite beaucoup moins drôle. Alors, pour enrichir notre regard sur les pratiques contemporaines du téléphone, nous avons joint cette semaine au téléphone, justement, le célèbre standardiste de Nulle part ailleurs sur Canal+, il y a 10 ans, le saltimbanque et savoureux Jacky Berroyer. Nous lui avons simplement demandé s'il avait remarqué qu'avec l'apparition du téléphone portable, les gens parlent désormais seuls dans la rue. Phénomène étrange. Le point de vue de Berroyer, juste après le nouveau jingle. C'est cadeau. Ah bah si, je le remarque, et y a une obscénité de ça hein, aussi, on s'habitue quand même, mais l'autre fois je voyais ça, j'étais dans un restaurant, il y a une fille qui s'arrête au milieu de l'allée, et la voilà en conversation, je me disais, tiens, en fait ce que je remarquais, c'est pas tellement qu'elle téléphonait, ça on est habitué, c'est que tout le monde, que personne n'y faisait attention, c'est un peu comme, je sais plus, il y a une représentation de quelqu'un qui se cache les yeux et qui croit qu'on le voit pas. Un peu comme les enfants. Eh bien, je crois que le téléphone sert à ça. C'est d'un coup, quand ils sont en conversation, ils sont liés à l'autre au bout de la ligne et le monde n'existe plus autour d'eux. C'était Jacky Berroyer pour La panique au Mangin Palace, comme tous les dimanches, vous le savez. The Speed of Sound, une chanson pop du groupe anglais Coldplay dans l'album X and Y, la vitesse du son que tu franchis à chaque fois que tu parles au téléphone, figure-toi. Alors, pour poursuivre notre voyage au cœur de la téléphonie, la panique au Mangin Palace a organisé cette semaine un grand classique des pratiques de l'État, à savoir une série d'écoutes téléphoniques. Sans aucun accord, tu t'en doutes, d'une quelconque commission rogatoire, mais tant pis, nous allons tout de même maintenant te livrer les conversations que nous avons entendues ces derniers jours sur quelques téléphones que nous avions bien ciblés. Tout d'abord, à l'approche du congrès exceptionnel du Parti Socialiste qui se tient ce week-end au Mans, nous nous doutions qu'il y aurait des infos à récupérer. La première surprise fut sans doute ce message laissé par Martine Aubry sur la boîte vocale de François Hollande. Selon nos sources, François ne l'a jamais rappelé. C'est bizarre. Qui se passerait d'un tel soutien ? La seconde écoute téléphonique intéressante chez les socialistes cette semaine fut l'œuvre de Michel Rocard. L'ancien Premier ministre semble perturbé par tout ce tintamarre au sein de son parti. Et visiblement, il croit mordicus que François Mitterrand n'est pas mort, à tel point que Rocard a tenté de le joindre pour lui demander conseil. Allô, tonton ? C'est Roro. Oui, dis donc, voilà pourquoi je téléphone. Allô, t'entends ? Coupez pas. Allô, t'entends ? Pourquoi tu tousses ? Bien entendu, tonton n'a jamais rappelé Rocard. De toute façon, il ne l'avait jamais rappelé. Toujours dans la sphère politique, nous avons mis sur écoute le portable de Nicolas Sarkozy. Regonflé par une hausse de 11 points dans les sondages, après avoir mis le feu aux banlieues, Nicolas, en début de semaine, a désespérément cherché à joindre son père spirituel, Charles Pasqua, afin de partager avec lui cette euphorie. Mais, toujours à l'affût des espions, nous nous sommes rendus compte que Nicolas fonctionne par message codé. Écoute bien ces quelques mots qu'il a laissés sur la boîte vocale de Pasqua. Allô, papa Tango Charlie. Pasqua aurait-il choisi l'exil ? Nous n'avons pas tout compris. Toujours est-il que, selon nos sources, lui non plus n'a pas rappelé Nicolas. Sans nouvelles de Pasqua Charlie, et alors qu'un calme de façade semble être revenu dans les périphéries urbaines, Nicolas Sarkozy avait un peu le blues en fin de semaine. Du coup, on a intercepté un nouveau message assez curieux laissé par Nicolas sur la boîte vocale de Patrick Devedjian. J'ai beau chercher partout, faire le tour des amis, des copains éloignés. Pas le moindre immigré. Des Thierry, des Chantal, des Jean-Charles, des Arnaud, des Benoît, des Solange. Pas d'Abdoul, pas d'Ahmed. Ah, y en a qui ont du bol, qui se font tabasser, privés d'identité, inculpés, expulsés. Ça, c'est des bons sujets. Moi, j'ai rien à chanter. J'ai vécu sans histoire, et y a toujours eu des femmes de ménage à la maison. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. Ouais, j'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. Alors justement, les banlieues. On a voulu savoir ce qui s'y tramait réellement. Du coup, on a branché nos pinces crocodiles sur les portables de quelques jeunes et visiblement, rien ne s'est arrangé. Et les keufs et les meufs dans le RER. La banlieue c'est pas rose. La banlieue c'est morose. Alors prends-toi en main, c'est ton destin. C'est ton destin. Prends-toi en main, c'est ton destin. Oui. Ce qui serait bien, c'est que les politiques leur tendent réellement la main. Ensuite, au milieu de la semaine, par inadvertance, on a fait une fausse manip et on est tombé sur une communication assez bizarre. Allô, allô, monsieur là-haut, c'est France Gall à l'appareil. Je voudrais que vous me passiez le bureau du Père éternel. On n'avait plus de nouvelles, mais elle va mal, France Gall. Sans doute les remords d'avoir vendu à la Star Academy les droits de certaines chansons de Michel Berger. Du coup, on a enchaîné dans le registre du showbiz et on a placé sur écoute le téléphone du prince Albert qui s'est fait introniser hier après-midi à Monaco. Et on a découvert un message assez étrange, sans doute un vieux camarade qui voulait se faire inviter aux cérémonies officielles. Tu es pour moi le symbole vivant des amours romantiques qu'on découvre à 30 ans. Ton corps me fait vibrer, dans tes bras je m'enivre. Mon cher Albert. Là encore, d'après nos sources, Albert II n'a pas donné suite. Par ailleurs, suite à l'intervention de président Chirac à la télévision lundi dernier, on a mis sur écoute téléphonique son entourage pour savoir comment il avait réagi au retour des lunettes de Jacques. Ces fameuses lunettes, celles de la grande époque, celles de la conquête de la mairie de Paris, celles de la jeunesse, des costards blancs, celles du retour à Matignon en 86, celles des grands combats. Eh bien, il semble que Bernadette n'ait pas été insensible à ce détail du passé glorieux de son mari. Dès lundi soir, tard, nous avons intercepté un message de Bernie sur le portable de président Chirac. Au bout du téléphone, il y a votre voix et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire, qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux, je ne peux pas. L'amour tient parfois à peu de choses. Une paire de lunettes et tout s'enflamme, c'est chaud bouillant. Cela dit, outre ces lunettes, suite à ce discours de président Chirac qui a rappelé que tous les jeunes de France sont les fils et les filles de la République, nous avons voulu savoir comment certains adolescents de banlieue avaient réagi à ces propos. On a alors écouté plusieurs portables de mômes jusqu'à tomber sur celui de Christophe qui vit à Clichy-sous-Bois. Quand il a entendu président Chirac lui dire qu'il était lui aussi un fils de la République, il s'est précipité sur son téléphone et a tenté de joindre justement cette fameuse République. Et on a le message. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Eh oui. Elle a un peu de boulot, Marianne. Même si elle reste évidemment le meilleur modèle d'intégration et d'égalité, elle a tout de même fait quelques conneries ces 30 dernières années. Baby did a bad, bad thing. Bébé a fait une très vilaine bêtise. C'est ce que chante Chris Isaak en 1995, parce que des téléphones roses aux appels anonymes, des canulars aux écoutes interdites, tu peux en faire de sacrées conneries avec ton cabinet. Alors, pour poursuivre notre exploration de l'univers du téléphone, nous allons retrouver maintenant nos deux héros câblés, les merveilleux Monique et Jean-Claude, qui, la semaine dernière, ont vécu un drame sentimental, une déchirure dans leur couple. Tout a commencé samedi soir, alors que Jean-Claude s'apprêtait tranquille à regarder le match de foot France-Allemagne à la télé. Pour bien comprendre la raison de la dispute, le mieux, c'est de demander directement à Jean-Claude ce qui s'est passé. J'étais tranquillement écroulé devant ma télé, sur mon plumard. La ma gonzesse comme dans la piole, qui me dit qu'est-ce que tu fais planter là. T'en as pas marre de ces marioles, t'en as pas marre de leur tronche de rage. Je lui réponds, j'en ai rien à foutre, mais je veux pas rater téléfoot. Monique qui l'emmerde avant un match, Jean-Claude a trouvé Fissa la solution. Grand admirateur de Galuzzo de Villepin du Brushing, Jean-Claude instaure un couvre-feu chez lui. Allez hop, ça suffit, tout le monde au puits à 20h et le premier que je chope hors de son lit après 20h, même en situation régulière, je l'expulse. Monique et les gamins, ça les a plutôt énervés, la crise d'autorité du Jean-Claude. Du coup, pendant que les mômes crament leur collection de voitures majorettes sur le tapis du salon, Monique confectionne des cocktails Gin Fizz qu'elle compte bien envoyer sur le Jean-Claude pour lui pourrir sa soirée foot. Jean-Claude n'en peut plus, face à l'émeute domestique, tendu comme un ministre de l'Intérieur, il décide de se barrer. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer. J'ai envie de me casser la voix. Casser la voix. À bout, Jean-Claude se casse, monte dans sa caisse et roule quelques heures jusqu'à l'hôtel Beau Rivage. Il y prend une chambre, là, il sera tranquille avec une bonne bignouze et la télé. Monique, elle, n'avait pas prévu ça. Voir partir son Jean-Claude, ça la désespère. Elle tente de l'appeler sur son portable, mais le Jean-Claude est sur boîte vocale. Allô ? Allô ? Ouais, je suis pas là pour le moment, alors laisse-moi un message. J'ai des choses à te dire, s'il te plaît, rappelle-moi quoi. J'ai des choses à te dire, j'ai laissé des messages et envoyé des emails et des SMS. J'ai des choses à te dire, mais si tu n'entends pas, tu sais, tu me perdras. J'ai des choses à te dire, des choses qui ne se disent pas sur une messagerie ou avec des SMS. Tant de choses à te dire, mais tu n'es jamais là, s'il te plaît, réponds-moi. Jean-Claude ne répond pas, son téléphone est coupé. De désespoir, Monique compose en hâte un numéro qui va l'aider à surmonter sa crise. Elle se commande une pizza 12 fromages et surtout, surtout, une énorme... Banana. Une fois goinfrée, Monique se sent soulagée. Il n'y a pas à dire, quand t'es déprimée, la nourriture est ta meilleure amie. Monique ne sait plus quoi faire. Doit-elle appeler Jean-Claude ou alors attendre demain ? Monique réfléchit, elle s'interroge, elle se parle toute seule. Tu vis auprès d'un téléphone, tu n'endors plus et quand il sonne, ce n'est jamais, jamais pourtant le coup de fil que tu attends. Jean-Claude va-t-il rappeler ? Se soucie-t-il de Monique ? Eh bien non. Le Jean-Claude, il est installé peinard dans sa chambre d'hôtel à mater son France-Allemagne en buvant bière sur bière. Au moins là, il est tranquille. Je ne suis là pour personne. Lorsque le téléphone sonne, et pour tout l'amour qu'elle me donne, je ne suis là pour personne. Monique décide encore une fois de joindre Jean-Claude. Le téléphone de Jean-Claude sonne, mais il ne veut pas décrocher. En plus de Monique qui l'énerve, il est désespéré par la prestation de l'équipe de France. La Coupe du Monde 2006, c'est pas gagné, hein. Monique tombe à nouveau sur le répondeur, elle laisse un message. Mais je t'appelle en vain, mais je t'espère en vain. Et je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime quand même. Sans toi, je n'ai plus rien. Dis-moi que tu reviens. Car sans toi, je ne suis plus rien. Il est tard. Jean-Claude est seul dans sa chambre. Il prend son téléphone et écoute les messages que Monique lui a laissés. D'entendre la voix de l'être aimé, il est tout chamboulé, le Jean-Claude. Qu'est-ce qui lui a pris ? Pourquoi est-il parti tout ça pour voir tranquille un match de CFA ? Mais il a son honneur, Jean-Claude, et il ne peut pas rappeler comme ça. Il ne doit pas céder, il a étudié la question. Même si je ne pense qu'à elle, si je rêve de la revoir, bah des rétro-téléphones, elle ne doit pas le savoir. Nos meilleurs techniciens se sont penchés sur la formule. C'est 3 jours au moins le résultat de leur calcul. Faut pas que je l'appelle, pas que je l'appelle. Attendre encore quelques jours, il faut pas que je l'appelle, pas que je l'appelle, pas encore. C'est trop court. Mais l'amour est plus fort que l'orgueil et Jean-Claude cède. Monique est la femme de sa vie. Il ouvre une nouvelle bière et compose le numéro de la maison mais tombe sur sa fille. Allô ? Écoute, maman est près de toi. Faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est monsieur de la dernière fois ? Bon, je vais la chercher. Je crois qu'elle est dans son bain. Et je sais pas si elle va pouvoir venir. Dis-lui, je t'en prie. C'est important, mais il attend. Mais c'est qui ce mec de la dernière fois, se demande Jean-Claude. Va falloir tirer ça au clair, mais pas ce soir. Après une crise d'autorité, il ne va tout de même pas faire une crise de jalousie. Monique, qui est sortie de son bain, rappelle Jean-Claude et lui lance un cri d'amour émouvant. Allô, c'est toi ? Je t'appelle. Mais que s'entremêlent encore nos voix. Quel beau message d'amour de la part de Monique. Mais que veut lui dire Jean-Claude ? Elle est prête à écouter sa réponse. Je t'appelle pour dire que je t'aime. Je voulais te dire simplement ça. Je t'appelle pour dire que je t'aime et je meurs ce soir de m'endormir sans toi. Cette soirée fut éprouvante pour nos deux héros si fantastiques. Jean-Claude avait quitté Monique sur un coup de tête, ils se sont réconciliés sur un coup de fil. La technique au service du couple. Jean-Claude est prêt à reprendre la voiture pour rentrer, mais Monique lui dit que ce n'est pas prudent. Il est tard et il a bu. Ils dormiront loin l'un de l'autre cette nuit. Le lendemain, au petit matin à peine réveillé, Jean-Claude décroche le téléphone et appelle Monique. Allô, mon cœur. C'est moi, mon cœur. As-tu bien dormi? Mais oui, j'ai bien dormi. Allô, mon cœur. Quoi dans mon cœur? J'ai rêvé cette nuit. Moi, j'ai rêvé aussi. De qui, mon cœur? De toi, mon cœur. Moi, de toi, ma chérie. Tu le dis pas ce que je l'ai dit. Mais non, mon cœur. Jean-Claude et Monique, après une dispute violente, se sont donc retrouvés grâce au téléphone. Ils ont pu se parler et surmonter leur rupture. Avec le téléphone, les distances sont effacées, mais les sentiments restent aussi forts. Ce qui nous vient de loin. Ce qui nous vient de loin. Ce qui nous tient. Parle-moi. Jean-Louis Aubert, leader historique du groupe Téléphone, nous parle sur son nouvel album Idéal Standard, sorti lundi dernier. Casting parfait. Nous voici donc arrivés au terme de notre voyage au cœur de ton univers téléphonique. Des demoiselles du Standard aux hôtesses du Téléphone Rose, des écoutes mitterrandiennes aux communications de Monique et Jean-Claude, de Graham Bell à SOS Amitié, nous t'avons dressé un panorama du téléphone à l'heure où la communication à distance explose et où le 12 va disparaître. Alors c'est quoi le téléphone ? Eh bien, c'est simplement la transmission à distance d'un son. Le téléphone a été inventé en 1876 et très vite, il s'est démocratisé. Aujourd'hui, c'est 32 millions d'abonnés en France et 650 millions à travers le monde. Bien sûr, cela concerne les téléphones fixes, car depuis 10 ans, la révolution du téléphone, c'est bien entendu le portable. Le téléphone est devenu tellement présent dans notre quotidien qu'on imagine mal vivre sans. Pour certains, le téléphone est devenu une obsession, comme un instrument émotionnel greffé à l'oreille qui a profondément changé les comportements. il y a quelques années, parler seul dans la rue était encore considéré comme une manifestation de la folie. Aujourd'hui, c'est l'ordinaire, ça ne choque plus personne. Cela dit, il arrive parfois que ces portables deviennent insupportables. Des transports en commun, aux salles de spectacle. Le marché du portable, qui a explosé durant les années 90, semble s'essouffler aujourd'hui. Il faut dire que le taux d'équipement est déjà très élevé. Et pour nous refourguer leur nouvelle gamme, les fabricants ne savent plus quoi inventer. Le téléphone ne sert plus uniquement qu'à téléphoner. C'est devenu un appareil photo, une caméra, un agenda, une console de jeu, une chaîne Hi-Fi et peut-être bientôt un instrument de contrôle, pourquoi pas. Aujourd'hui, il n'y a plus de téléphone. Il y a plus de téléphones portables que de téléphones fixes. Et nous sommes des millions à nous avoir créé un sentiment de liberté avec cet engin. Nous le savons bien, nous sommes accros et nous restons prisonniers d'opérateurs à la pointe du marketing. Les marchands de téléphones ont encore de beaux jours devant eux. La solution, il y en a un qui a tout compris. Nino Ferrer et son téléphone qui sonne. Voilà, fin du 11e épisode. C'était « C'est quoi le téléphone ?» revu à travers le prisme de notre vaisseau spatio-temporel. L'équipage, composé d'une bande de furieux, espère que tu as fait bon voyage et t'attend dès la semaine prochaine pour une nouvelle aventure intergalactique. Voilà, c'était Panique au Mangin Palace. Ce Radio Mix a été coécrit les doigts dans la prise avec Xavier Mauduit, un allié précieux. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, le génial Henri Marc Mutel. C'est son anniversaire demain, bon anniversaire Marco. Merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui de Benjamin de la Gâtinais et de Olivier Leroux. Merci à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Amel Caldi. Merci beaucoup Amel. Pour les disques laser, on a Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Il me reste aussi à remercier deux autres membres de l'équipage, Maud Lomnitz et Caroline Chausset, documentaliste à l'INA Mangin, ainsi que Catherine Pinto, jeune stagiaire volontaire et très efficace. Voilà pour toutes les infos complémentaires, la panique à un site internet sur franceinter.com. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao.